franceinter.fr. Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, un dimanche pas comme les autres. Le voyage surprise de François Mitterrand à Sarajevo le dimanche 28 juin 1992, en pleine guerre de Bosnie. Cette émission aujourd'hui s'inscrit dans le sillage de la fiction que nous avons proposée vendredi sur le siège de Sarajevo, l'histoire des amants de Sarajevo, séparés par la guerre, séparés par la mort. La visite éclair du président français dans la capitale de la Bosnie en guerre il y a 25 ans est l'un des épisodes les plus médiatiques de la vie diplomatique des années Mitterrand. Un voyage précipité, diront certains, qui prend tout le monde de court, en France, mais aussi à l'étranger. On peut penser d'ailleurs que beaucoup d'autres chefs d'État auraient aimé avoir eu cette idée parce qu'elle était spectaculaire et forcément bénéfique pour son auteur en termes d'image. Mais l'a-t-elle été vraiment pour les habitants de Sarajevo? C'est une autre question et c'est une vraie question. Quoi qu'il en soit, nous gardons de ce voyage une image, celle d'un président d'un pays en paix, marchant au cœur d'une ville en guerre, opportunément accompagné par le French docteur Bernard Kouchner, devenu ministre. Pour en parler après le récit, nous recevrons Anthony Bélanger, journaliste et éditorialiste pour le journal Les Inrocks et sur France Inter, où chaque jour, du lundi jusqu'au jeudi, à 7h10, il revient sur ses histoires du monde. Avec lui, nous évoquerons l'écho diplomatique de cette visite, la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, le rôle de l'OTAN, les réticences de la Russie, et enfin la mémoire de Sarajevo dans l'histoire de la guerre moderne et dans celle des villes assiégées. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius et Fabrice L'Aigle. À la technique aujourd'hui, Sacha Tropp. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. À la fin du siècle dernier, il y a un peu plus de 20 ans, à 2 heures d'avion de Paris, l'écho des bombes et des souffrances des populations civiles nous arrivait chaque jour plus fort, écho d'une guerre qui se déroulait à nos portes, lui donnant un aspect anachronique. C'est en 1991 que la Yougoslavie de Tito se disloque et s'embrase. La Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance. Slobodan Milošević, l'homme fort de Belgrade, lui est porteur d'un rêve fou, la Grande Serbie, nouvelle terre rassemblant exclusivement les Serbes, reniant de part et d'autre les terres voisines, expulsant un peu plus loin les ethnies jugées par lui impures. Un an plus tard, en 1992, débute la plus longue guerre des Balkans, la guerre de Bosnie. Ce pays de moins de 5 millions d'habitants, mosaïque ethnique mélangeant bosniaques, musulmans, serbes, chrétiens orthodoxes, croates, catholiques entre autres, s'enfonce dans la guerre civile. Comme en Slovénie et en Croatie, le vent de l'indépendance souffle sur cette terre. Initié par Alija Izetbegovic, son président, la Bosnie-Herzégovine déclare sa souveraineté et organise un référendum national sur son indépendance. La population serbe de Bosnie boycotte le vote et le oui l'emporte largement. Les dirigeants serbes emboîtent le pas et déclarent eux aussi le 27 mars 1992 la naissance d'un nouvel État, la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Deux pays sur un même territoire, le ver est dans le fruit. L'un est soutenu par la Serbie de Milošević qui fournit armes et capital. L'autre est seul au monde, bloqué par l'interdiction de la vente d'armes vers les ex-pays de la Yougoslavie sur décision de l'ONU. Le 6 avril 1992, la communauté européenne puis internationale reconnaît l'indépendance de la Bosnie mais la laisse sans défense. Et le 6 avril 1992, le plus long siège de l'histoire récente débute à Sarajevo. Les milices serbes, dirigées politiquement par le chef du parti nationaliste Radovan Karadžić, encerclent la capitale. Chaque jour, des obus s'abattent sur la ville, chaque jour, des gens tombent sous les balles des snipers. Face à la tragédie, le 8 juin, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité la résolution 758, instaurant une zone de sécurité à Sarajevo avec un renforcement de la force de protection des Nations Unies, la FORPRONU, dont le mandat principal est l'acheminement de l'aide humanitaire et la protection de l'aéroport de Sarajevo. 3 semaines plus tard, ces demandes ne sont toujours pas acceptées par les forces serbes. Et le 27 juin, par communiqué, le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, leur lance un ultimatum. Le communiqué du secrétaire général de l'ONU a beaucoup surpris parce que M. Boutros Ghali, à ce moment-là, n'était pas au Conseil de sécurité à New York, mais en voyage au Nigeria, et parce qu'il contient un ultimatum adressé aux Serbes. Si dans les 48 heures, l'offensive militaire serbe autour de l'aéroport de Sarajevo n'a pas cessé, si les tanks et les armes lourdes ne sont pas placés comme prévu sous contrôle des casques bleus, tout le plan de l'ONU pour ouvrir l'aéroport sera réexaminé et le Conseil de sécurité sera libre de déterminer par quels autres moyens on peut faire parvenir l'aide humanitaire à 300 000 civils. Le même jour, un Conseil européen se tient à Lisbonne. L'objet de la rencontre est la ratification par les parlements européens du traité de Maastricht. Mais c'est la guerre dans l'ex-Yougoslavie qui est dans tous les esprits, et notamment dans celui de François Mitterrand, comme il le signifie lors de sa conférence de presse à Lisbonne le 27 juin 1992. La communauté, jusqu'à acceptation par ses membres du traité de Maastricht, n'a pas compétence pour ordonner des actions de politique extérieure pouvant avoir des implications militaires. Donc on ne peut pas l'accuser de n'avoir pas usé de moyens dont elle ne dispose pas. Et cependant, l'urgence prend à la gorge tous les honnêtes gens. L'impossibilité d'acheminer des moyens humanitaires à Sarajevo notamment crée une obligation morale, si j'ose dire, hors texte. Une obligation morale hors texte. Dont acte. Le soir même, le 27 juin, François Mitterrand s'envole pour l'ex-Yougoslavie. Pourquoi? Quels sont les risques et quels sont les objectifs de ce voyage? Sarajevo, 27 juin 1992. Lorsque François Mitterrand s'envole de Lisbonne, le siège de Sarajevo a déjà tué plus de 1300 personnes et le nombre de blessés ne cesse d'augmenter. Pourtant, même si la capitale bosniaque est à 2 heures de Paris, Sarajevo ne fait pas la une de nos médias. Le 5 juin, Bernard Kouchner, secrétaire d'État à la Santé et à l'Action humanitaire, ancien fondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du Monde, nouveau chouchou des Français, tente l'ouverture d'un corridor humanitaire pour Sarajevo par la route. À la tête d'une colonne de 14 camions chargés de vivres et de médicaments, accompagné d'une équipe de journalistes, il roule vers Sarajevo toute une nuit. L'aventure s'arrête à 30 km de la ville. Les forces serbes lui en refusent l'accès. Premier échec, mais ce n'est que partie remise. À Sarajevo, la situation s'aggrave. Les bombardements n'épargnent personne, pas même l'hôpital dont la plupart des étages sont touchés par les obus. Les blessés sont répartis au sous-sol, on opère à la chaîne au milieu des patients, comme le confirme ce témoignage d'un médecin sur place, le 9 juin 92. Moi, je suis ici troisième jour sans rompre mon travail. Je fais des opérations, je dors un peu, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent arriver ici. Des gens qui travaillent ici, mais qui ne peuvent arriver parce qu'il y a un bombardement terrible, hein. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, mais nous avons un générateur d'électricité. On se débrouille, on se débrouille. Finalement, c'est la guerre. C'est la guerre. Des snipers dissimulés en haut des immeubles ou des collines tuent en pleine rue chaque passant qui ose traverser comme un jeu sordide, semant la mort et l'effroi. La ville est bombardée jour et nuit. Les rues sont désertées, l'eau devient un luxe, l'électricité une cible. Les Serbes veulent l'agonie de ces populations qui se terrent désormais dans les sous-sols de la ville. Le 10 juin, enfin, un premier convoi humanitaire franchit les lignes serbes. 8 jours plus tard, une nouvelle caravane humanitaire débarque dans la capitale. À son bord, le député Jean-François Deniau, le maire de Lourdes, Philippe Douste-Blazy et Bernard-Henri Lévy. Humanitaires, journalistes, officiels, les témoins du drame se multiplient, l'opinion publique et le gouvernement sont interpellés. Mais la communauté européenne et le gouvernement français hésitent sur la stratégie à suivre. De retour de Sarajevo, Bernard-Henri Lévy apporte un message du président bosniaque Alija Izetbegovic à destination de François Mitterrand. Il l'explique sur les ondes de France Inter le 22 juin 1992. Le président bosniaque nous a remis un message à Gilles Herzog, Douste-Blazy, Deniau et moi-même, un message désespéré. pas du tout un message d'espoir, un message désespéré. Il nous a demandé de dire à François Mitterrand et à Jacques Delors que Sarajevo en est à ses dernières cartouches, à son dernier souffle, que nous allons avoir au cœur de l'Europe, parce que Sarajevo, c'est pas les marges de l'Europe, c'est pas les confins, c'est au contraire la ville symbole de valeurs de tolérance, de coexistence des communautés, etc. Nous allons avoir une véritable catastrophe. Je ne veux pas abuser des grands mots, donc ne parlons pas de génocide, mais nous allons avoir un massacre, un carnage à 2 heures d'avion de chez nous. Et en effet, le président Izetbegovic nous a transmis un message et un appel plus désespéré qu'autre chose, que j'ai bien l'intention d'ailleurs d'aller remettre au président Mitterrand et d'aller remettre à Jacques Delors, sans illusion d'ailleurs sur leur pouvoir à l'un et à l'autre. Mais il serait quand même impensable que nous ayons été capables de faire la guerre du Golfe pour des nappes de pétrole et que nous soyons incapables de secourir les habitants de Sarajevo. Le lendemain, effectivement, il rencontre le président français. Alors, l'a-t-il convaincu de faire quelque chose? Le président suivra-t-il la position de Bernard Kouchner, par exemple, de secourir Sarajevo? 2 jours plus tard, François Mitterrand s'envole pour Lisbonne, où se tient le Conseil européen. Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères, rencontre, lui, le secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali. Le 27 juin, tout s'accélère, à Paris, à Lisbonne et à Sarajevo. Ce jour-là, Roland Dumas appelle Bernard Kouchner et lui demande de venir au plus vite à Lisbonne. Le secrétaire d'État à l'action humanitaire n'en sait pas plus. Alors il accourt et arrive sans valise. Il pense juste devoir intervenir au cas où, devant le Conseil européen ou lors d'une réunion. Puis Roland Dumas débarque à l'hôtel et lui dit « On part à Sarajevo ». Kouchner joue le jeu, redevient l'homme de l'action rapide, des coups médiatiques, du coup de fil de l'ami, opposant ou dirigeant. Il contacte les humanitaires sur place et informe le général canadien Mackenzie, en charge de la sécurité de l'aéroport de Sarajevo, de l'arrivée du président français. La surprise est totale et le premier accueil glacial. Pour l'instant, c'est impossible. La sécurité n'est toujours pas effective à Sarajevo. Peu importe, l'opération est lancée. Pendant ce temps, devant les officiels et les journalistes, François Mitterrand joue toujours le jeu du Conseil européen, des règles de la diplomatie. Mais à l'insu des 12 de l'Europe, il prépare son voyage. Personne n'est au courant des intentions du président français. Après la conférence de presse, il fausse discrètement compagnie à ses hôtes et prend la direction de l'aéroport. Des invités triés sur le volet entrent en piste. Seul Roland Dumas n'est pas de la partie. Il jouera le rôle de tampon à Paris au téléphone, auprès des différents ministères des Affaires étrangères, des pays alliés. Politiquement, c'est aussi un moyen pour François Mitterrand de limiter son action à l'humanitaire et de s'afficher aussi avec Bernard Kouchner, devenu l'une des personnalités préférées des Français. À bord du Falcon 900 de la présidence, on trouve également Claude Azoulay, photographe de Paris Match, la journaliste de l'AFP Véronique Decoudu, des membres de la sécurité présidentielle et le docteur du président Claude Gubler, toujours flanqué de ses 2 valises de médicaments et autres traitements qu'il transporte partout. L'information du voyage de François Mitterrand est soigneusement dissimulée jusqu'à 20h, où elle est dévoilée dans le journal d'Antenne 2. C'est désormais quasiment officiel, le président François Mitterrand est bien en vol, en route pour la Yougoslavie. Dans son avion, il a emmené Bernard Kouchner, Albert Duroy. C'est un voyage d'une portée symbolique tout à fait évidente et forte. Oui, on ne sait pas encore exactement quelle est en Yougoslavie la destination du président Mitterrand et de Bernard Kouchner qui l'accompagne. Alors ce geste, évidemment, a d'abord une valeur symbolique, on le sait. Toutes les démarches qui ont été effectuées, diplomatiques, voire les interventions militaires de l'ONU ont été jusqu'à présent inefficaces en Yougoslavie. C'est un conflit dramatique en pleine Europe, à 3 heures d'avion de Paris. Il s'agit, valeur symbolique, de montrer à des peuples déchirés qu'on ne les oublie pas. L'objectif, c'est Sarajevo. Mais les conditions de vol, la piste impraticable de l'aéroport et l'improvisation du voyage ne permettent pas pour l'heure d'obtenir une sécurité satisfaisante pour le président français. Sur les conseils de Bernard Kouchner, François Mitterrand accepte alors de faire une halte à Split, en Croatie. Autour d'un repas improvisé, il fait une première déclaration aux journalistes sur place, encore abasourdis de voir cet homme âgé de 75 ans débarquer sans prévenir un soir d'été avant d'aller jusqu'au cœur de la ville assiégée. Est-ce que votre but est Sarajevo de votre voyage? Oui, oui, absolument. Il n'y a pas de mystère, j'y vais, je rencontrerai le président. Bosniak, Izetbegović. Je verrai les Français qui sont dans les forces internationales, des Nations Unies. Je visiterai quelques points de la ville pour voir comment les choses se passent. Et je rentrerai à Paris. Avez-vous peur d'aller à Sarajevo? Si je suis à Split, c'est parce qu'on n'a pas pu atterrir à Sarajevo, sans quoi on serait à Sarajevo ce soir. D'accord, ako je u Splitu, to je zato što nisu mogli. Est-ce que votre mission, monsieur le président, est en rapport avec le déblocage de l'aéroport de Sarajevo? Ben, je souhaite très vivement que à Sarajevo, la vie pacifique et paisible reprenne. Et nego je želja iskrena da normalni toutes les mesures humanitaires soient rendues possibles pour alléger la souffrance des habitants. Mais je ne viens là animé par aucune hostilité à l'égard de quiconque. Al ne dolazi u nikakvim neprijateljskim raspoloženjem prema bilo kome. Les problèmes qui se déroulent et qui divisent plusieurs pays. Problemi koji se odvijaju i dijele više država. Concerne d'abord ces pays eux-mêmes. Odnosno se engage leur responsabilité. Prije svega tih samih država i njihov angažman je tu prioritet. Commentaire politique, je les réserverai lorsque je serai à Paris. Après cette conférence de presse dans la salle un peu triste de l'hôtel Bellevue à Split, François Mitterrand rejoint sa suite où l'attend sans doute son médecin. On ne sait pas ce qui se passe derrière cette porte de la suite numéro 200, mais on connaît tous désormais quelle maladie ronge le président. Ce voyage à l'improviste n'a pas été du goût de son médecin, probablement. Dans le hall de l'hôtel, Bernard Kouchner et le Quai d'Orsay imaginent quant à eux les différents scénarios pour rejoindre Sarajevo. Finalement, c'est l'avion qui est choisi. Au petit matin, François Mitterrand et ses convives rejoignent l'aéroport de Split. Là, deux hélicoptères venus de France, un Dauphin et un Super Puma les attendent. Georges-Marie Chenu, l'ambassadeur à Zagreb, les rejoint et intègre ainsi l'expédition. Ce 28 juin au matin, 78 ans après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914, qui déclenche le début de la Première Guerre mondiale, François Mitterrand s'envole pour cette ville symbole où ce 20e siècle se termine également dans la violence. Des femmes sans visage. juin 1992, Sarajevo. À bord du Dauphin, accompagné de deux journalistes et de Bernard Kouchner, François Mitterrand survole la Bosnie en guerre. À l'aéroport de Sarajevo, c'est l'effervescence. Personne ne sait vraiment l'attitude qu'adopteront les soldats serbes lorsqu'ils verront arriver ces deux hélicoptères. Est-ce que l'un d'entre eux osera tirer sur le président? On ne peut pas l'exclure. Depuis le lever du jour, un silence inattendu accompagne les casques bleus qui préparent l'arrivée du président français. Ce matin-là, le bruit continuel et assourdissant des obus ou des tirs est presque absent. Puis, on entend les premiers ronflements des rotors des deux hélicoptères. Ils atterrissent, on éteint les moteurs, il est 10h30, François Mitterrand pose le pied à Sarajevo. Good to see you. Good to see you here another time. Very good. We remain inside the airport for just a while and talking to you, okay? Right. Thank you. Monsieur? Bonjour. Mon plaisir. Bernard Kouchner échange quelques mots avec le général canadien Mackenzie de la Fort Promu. La veille, le militaire était hostile à la venue du président, mais il finit par en accepter le principe, pour dangereux qu'il soit. Alors il ne ménage pas ses efforts pour assurer la sécurité de la délégation et éviter un drame. Après un premier briefing de la situation au QG des Nations Unies, on installe le président dans des véhicules blindés pour l'amener en ville. Il pleut un peu sur Sarajevo. On entend de nouveau au loin les coups de canon. Sous cette pluie fine, François Mitterrand scrute les ruines de la ville, les rues désertes, les maisons et les bâtiments détruits. Un peu avant midi, il arrive au palais présidentiel où il est accueilli par le président bosniaque Izetbegovic. Après le déjeuner, il rencontre le maire et des officiels à l'hôtel de ville. Puis les deux présidents entourés de casques bleus, de Bernard Kouchner et de la garde présidentielle arpentent les rues de la ville. Ils marchent sur des débris de verre, évitent les trous de la chaussée, enjambent les débris. C'est le moment fort de la visite, celui qu'on retient parce qu'il est du ressort de l'image. Dans la rue Vasaminskine, François Mitterrand dépose une rose là où en mai une vingtaine de personnes ont péri sous une bombe. La population salue le geste. L'ambiance est chaleureuse, comme hors du temps. Les habitants de Sarajevo sont sortis de leur cave, les uns après les autres, dès l'annonce de la visite du président français. Comme un espoir qui renaît sous les décombres, ils scandent « Bosna, Bosna, Mitterrand, Bosna ». Serge Martin de France Inter est sur place. Il interroge une jeune bosniaque de retour à Sarajevo. Cet accueil de la population, on pouvait s'y attendre, un accueil chaleureux? Oui, mais pas aussi chaleureux, je ne m'attendais pas. Et puis que les gens disent tout de suite, sont tellement contents, ils rigolent, ils ont encore une telle force alors qu'on voit leur propre maison détruite et tout ça. Les bâtiments, là il n'y a pratiquement pas un bâtiment qui n'a pas été touché. Ils ont dit qu'il manquait de tout, mais qu'ils tiennent moralement, ils tiennent le coup, qu'ils sont très contents qu'on soit arrivés, qu'ils sont contents aussi qu'il y ait des journalistes ici. Ils me demandent tous de vous dire que vous devez absolument montrer comment est la ville de Sarajevo à tout le monde. Les deux présidents visitent ensuite l'hôpital. Les médecins et les blessés sont au sous-sol. Tous les étages sont désormais condamnés, abandonnés au fracas des bombes. Valérie de Coudu, la journaliste de l'AFP, décrit dans l'une de ses dépêches son arrivée dans cet établissement et la découverte de centaines de blessés, enfants et vieillards, blottis dans ce sous-sol. Elle décrit ses corps mutilés par le siège aveugle et ancestral des milices serbes, parle de l'horreur des ventres ouverts par un éclat d'obus. La joue arrachée d'une femme, une jeune fille paralysée des jambes, la colonne vertébrale sectionnée. La guerre plein cadre, celle de l'intime, celle qui touche les civils. Alors, qu'en pense le président français? Que va-t-il dire au monde en ce 28 juin 1992? Cette ville est bouclée, fermée, isolée du reste du monde. Ce n'est pas acceptable. Tandis que des tirs, de façon quasiment constante, détruisent ces centres vitaux et tuent beaucoup de gens. Il y a donc une œuvre humanitaire urgente qui, elle, ne peut pas attendre les délibérations des grandes puissances, qui ne doit pas s'occuper des intérêts particuliers ni des rivalités nationales. Or, il semble que toute démarche humanitaire commence par la liberté de circuler à l'aéroport de cette ville. si l'aéroport est fermé, aucun secours ne pourrait y parvenir. Il faut donc que l'aéroport soit ouvert, d'un moyen ou d'un autre. Et si je n'avais pas atterri à Sarajevo, j'aurais eu l'impression de ne pas faire la démonstration dont j'attends qu'elle soit poursuivie. J'espère que ce sera le début d'un changement et que Sarajevo sera ville ouverte sur le monde extérieur. De cette conférence de presse, les médias français ne retiennent que la déclaration du président français, pas celle du président assiégé, Izetbegovic. Chaque mot de François Mitterrand est minutieusement pesé. Seule la conséquence de la guerre est présente. Rien n'est dit sur les belligérants. Le voyage est simplement humanitaire. Cher à son ministre Kouchner, l'inventeur du droit d'ingérence, l'humanitaire d'État devient l'outil de la diplomatie française et internationale, une sorte d'entre-deux entre la guerre et le laisser-faire. L'humanitaire d'État, c'est la troisième voie, celle du choix de ne pas choisir entre les uns et les autres, seulement de soutenir les victimes en attendant que la politique et la communauté internationale prennent leurs responsabilités. C'est un vaste débat, il existe encore aujourd'hui. En France, Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, annonce le départ des premiers avions vers Sarajevo. Le président de la République vient de me donner le feu vert. Nous allons pouvoir faire partir les deux transals de l'armée française qui sont prêts avec des tonnes de médicaments. Puisqu'on vient justement d'apporter confirmation que ce qui manque le plus là-bas, ce sont les médicaments, c'est la nourriture. Donc dès aujourd'hui, cela sera mis en place. Et j'espère que derrière cette percée, c'est une percée au fond, qu'a fait le président de la République et que fait la France derrière lui, les Nations Unies vont pouvoir prendre le relais. C'est ce à quoi je vais m'employer aujourd'hui avec le secrétaire général. Question de l'action militaire possible. Demain, vient... Nous sommes dans le cadre d'une action humanitaire. Tout à fait. Non, oui. Accompagnée, mais une action humanitaire. À Sarajevo, François Mitterrand passe ses derniers instants dans la ville assiégée. Il salue le président bosniaque, puis conclut son séjour par une brève rencontre à l'aéroport avec les responsables du siège, Radovan Karadžić, le dirigeant serbe de Bosnie et son chef militaire, Ratko Mladic. Que se sont-ils dit? Ont-ils négocié au sujet de l'aéroport, de l'ultimatum de l'ONU? Dans les différents entretiens qu'il donne sur le sujet, François Mitterrand fait semblant de ne plus souvenir de cette rencontre, à l'inverse de Bernard Kouchner et du photographe de Paris Match, qui a immortalisé la scène sur la pellicule. Pendant l'entrevue, dehors, les tirs ont repris aux alentours de l'aéroport, jusqu'à toucher l'un des hélicoptères du convoi présidentiel. On invite alors le président français à enfiler un gilet pare-balles. Et c'est ainsi qu'il quitte Sarajevo, 6 heures après son arrivée. Dès son départ, les tirs et les bombardements reprennent sur Sarajevo. Hommes, femmes et enfants se terrent de nouveau dans les caves. Vers 20h, le Falcon présidentiel est de retour en France. Roland Dumas attend la délégation à Villacoublay. Le coup de Sarajevo est un succès. Toute la presse et la classe politique saluent le geste présidentiel. La gauche pointe la force du symbole et l'audace du prince, quand la droite y voit un geste gaullien, une indépendance retrouvée sur d'elle. Seul Jean-François Deniau, ancien ambassadeur qui était à Sarajevo le 18 juin avec Bernard-Henri Lévy, nuance l'impact du voyage. Donc si ce geste très impressionnant et l'annonce d'un changement de la politique française et, je l'espère, occidentale, j'en suis tout à fait heureux. Monsieur Deniau, mais je vous dis tout de suite, le problème pour moi principal n'est pas de faire atterrir 2 transals sur l'aéroport, parce que ça, finalement, ça ne gêne pas beaucoup les Serbes qui tiennent l'aéroport. Le vrai problème est que l'aéroport peut servir à l'alimentation de la ville, mais il sert aussi militairement comme route de liaison terrestre et comme base terrestre pour l'armée serbe dans ses opérations contre les forces bosniaques et notamment contre cette fameuse localité de Dobrinja qui est en majorité non serbe, pratiquement non serbe, et qui est juste au bord de l'aéroport. Donc pour moi, la véritable victoire, ce sera pas seulement humanitaire, même si l'humanitaire c'est toujours nécessaire, la véritable victoire c'est quand on aura imposé les conditions de la paix et de la démocratie dans ce pays et qu'on aura arrêté cette théorie épouvantable du sol ethniquement pur, qui est malheureusement celle d'une partie de la population serbe. L'action politique, celle de la diplomatie, des discussions longues et âpres entre différents belligérants n'est pas une action d'un jour que l'on décrète en brisant une ligne de front. La fin de la guerre de Bosnie est donc encore loin. Il est vrai que la venue du président permet l'application de l'accord sur l'aéroport dont la Fort-Pronu reprend le contrôle, et ce n'est pas rien. Des vivres et des médicaments affluent de nouveau à Sarajevo, mais aussi dans les collines sous le joug des Serbes. Mais la guerre se poursuit. François Mitterrand se félicite de son initiative qui installe la France sur le devant de la scène européenne et internationale. Et puis, en cette période de débat autour du référendum sur le traité de Maastricht, il réussit à désorganiser la campagne pour le non et à réaffirmer l'indépendance de la France. Je ne suis pas allé négocier. C'est le rôle de la communauté, c'est le rôle des Nations Unies, c'est le rôle de la mission Carrington, bon, M. Carrington, M. Cyrus Vance, etc. Donc je suis allé passer un dimanche à Sarajevo. Et je ne vois pas comment le traité de Maastricht pourrait être interprété au point que les chefs d'État et de gouvernement devraient demander la permission à l'Europe, à la Commission, au Parlement, pour passer le week-end quelque part. Pendant que l'on se félicite de l'arrivée des médicaments à Sarajevo pour sauver les blessés des bombardements ou des snipers, derrière la diplomatie spectacle, un autre drame, loin des caméras, surgit des terres de Bosnie. 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, le monstre concentrationnaire réapparaît en Europe. Le 2 août, un quotidien new-yorkais publie ce titre en une, « Les camps de la mort en Bosnie ». Quelques jours plus tard, les images d'une équipe d'une télévision britannique donnent le vertige. Derrière les barbelés, on y voit des corps amaigris, des hommes blottis les uns contre les autres, s'aidant mutuellement à se déplacer. On l'apprendra plus tard, le président Izetbegovic avait informé le président Mitterrand de l'existence de ces camps, qui n'étaient pas non plus des camps d'extermination, mais tout de même. Pourquoi François Mitterrand n'a-t-il rien dit ? Le 13 août 1992, l'ONU condamne la pratique du nettoyage ethnique et envoie des émissaires pour visiter ces camps qui réveillent le spectre du drame concentrationnaire, élément de terreur arrimé à toute purification ethnique. La guerre se poursuivra encore 3 ans à Sarajevo, comme à Srebrenica, l'autre ville martyre de Bosnie. Le 14 décembre 1995, finalement, un accord de paix est signé à Dayton. Aujourd'hui encore, on s'interroge sur l'impact du voyage de François Mitterrand à Sarajevo en 1992. Était-ce une étape vers la paix ? Et au-delà, quel fut le rôle de la France dans ce conflit ? A-t-elle été utile ? I like that. Hush it, baby, don't say a word. I'm gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Papa gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring is brass, Papa gonna buy you a looking glass. And if that looking glass will break, Papa gonna buy you a chocolate cake. Let's make it. Cake you eat, Papa gonna buy you a puppy sweet. And if that puppy won't bark, Papa's gonna buy you a horse and cart. And if that horse and cart break down, Papa's gonna buy you a big toy clown. Hush, little baby, don't you cry. Mama's gonna sing you a lullaby. Yahoo! France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Au Aujourd'hui, le voyage de François Mitterrand à Sarajevo en juin 1992. Notre invité, Anthony Bélanger, bonjour. Bonjour. J'allais dire, faites comme chez vous, vous connaissez bien la maison, on vous entend du lundi au jeudi, tous les matins à 6h49, pour être précis, les horaires radio sont des horaires SNCF, 6h49 pile. Voilà, et puis vous êtes aussi journaliste et éditorialiste pour le journal Les Inrocs. Votre terrain de jeu, vous, c'est la diplomatie, hein, c'est l'actualité étrangère. Terrain de jeu, si j'ose dire, quand on parle de guerre... À l'époque de ce conflit dont nous venons de raconter un volet, un aspect avec le voyage de François Mitterrand, la situation diplomatique est bloquée. L'Europe, l'ONU, personne ne sait quelle attitude adopter dans cette guerre qui se déroule à nos portes. Qu'est-ce qui fait que ce conflit a comme tétanisé la communauté internationale et surtout l'Europe? Parce que je rappelle, c'est en Europe. Oui, c'est en Europe, c'est à 2 heures de voiture, d'avion de Paris ou de n'importe quel autre point d'Europe, c'est même au cœur de l'Europe. Alors, il faut peut-être se remettre dans le contexte de l'époque. En fait, on est dans les années 90, au début des années 90, vous savez, c'est la déréliction de l'Union soviétique, qui s'est passée sans heurts et sans morts. On a oublié, mais en fait, ça a été quasiment perçu comme une grande fête, cette déréliction. C'est-à-dire que voilà le mur de Berlin qui tombe, voilà les Allemands qui tombent les uns dans les bras des autres, voilà l'Europe de l'Est qui tout à coup se met à voyager. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je m'en souviens. On voyait arriver à Place de la Concorde des cars entiers de Bulgares, de Roumains qui venaient à Paris pour la première fois parce qu'ils ne pouvaient évidemment pas voyager avant et les Parisiens allaient à leur rencontre, allaient les voir. On s'en moquait un peu, bien sûr, parce que leur car était un peu ancien, mais on allait les accueillir. Tout ça s'est passé dans une espèce d'été ou de liesse. De liesse. En tout cas, de bienveillance collective. Donc, c'était pas du tout comme ça qu'on allait. C'était cette Europe-là qu'on avait en tête. Cette Europe qui s'était bâtie sur la paix. Je rappelle que après la Seconde Guerre mondiale, tout de même, la partie ouest de l'Europe s'était à la fois développée et a construit sa prospérité dans le cadre de l'Union européenne sur une idée de paix collective, de mettre en partage des sujets, l'économie et puis ensuite des quelques accords politiques pour pouvoir mieux vivre ensemble. Donc, c'est cette Europe-là, d'une certaine manière, cette image-là qu'avaient les Européens et les politiques européens de l'Europe qui s'étaient tout simplement déshabitués de l'histoire européenne. Il y a un effet douche froide, c'est ça ? Bien sûr qu'il y a un effet douche froide, il y a comme un retour vers le passé, c'est-à-dire que cette Europe qui s'était tellement déchirée au début du XXe siècle autour justement de ces guerres balkaniques, il y en a quand même eu deux, hein, entre 1912 et 1913, et puis ensuite vous avez évidemment le drame absolu, c'est-à-dire en fait la Première Guerre mondiale qui quand même commence à Sarajevo. Et puis tous les malheurs du XXe siècle, comme ça, ont semblé commencer là et se terminer là, en 1945, avec une période de paix comme l'Europe n'en a pas connue depuis des siècles. Bon. Donc, en fait, quand en 90-91, on a eu très peur quand même. Il y a eu ce moment où on a eu très peur, parce que les Soviétiques auraient très bien pu mal réagir. Et d'ailleurs, il y avait les moyens de mal réagir. Et puis, on a vu, ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire, ce délitement de l'Union Soviétique se passait beaucoup mieux que prévu. Et donc, cette guerre qui débute où tout avait commencé en 1914, qui débute en ex-Yougoslavie, tétanise tout le monde parce que personne ne sait comment la prendre. Alors, quel est l'objectif de François Mitterrand quand il va à Sarajevo? Parce qu'on s'en est posé des questions quand même, oui, autour du sens de ce voyage. Oui, il y a ceux qui disent qu'en fait, il était tellement pro-serbe qu'il a bien fallu un moment marquer, on va dire, une certaine équanimité de se rendre à Sarajevo pour briser le fameux siège de Sarajevo. Il y a ceux qui disent qu'il a plus ou moins écouté tout de même Bernard-Henri Lévy qui lui demandait, qui était lui pour le coup très ami avec les bosno-serbes, les bosno-musulmans, c'est-à-dire le président à l'époque de la communauté musulmane qui était objectivement l'objet de toutes les guerres menées par les Serbes et d'autres, et que donc l'idée était d'aller à la rencontre de ce fameux président Izetbegovic qui était à l'époque un peu le président symbole de cette ville martyre qui était Sarajevo. D'autres ont dit que la France était trop impliquée pour ne pas s'impliquer un peu plus, c'est-à-dire qu'il faut quand même pas oublier qu'à l'époque la France était un tiers, voire un quart, des, plus un tiers des forces en présence dans l'ex-Yougoslavie, des forces internationales. Mais si c'était simplement un voyage pour apporter du soutien à une population, je pense qu'il y a ça. Je pense que bon, il y a plein c'est de énorme, choses. Hein, quand il y a plein de choses. On dit simplement, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. D'abord, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Alors, on peut s'embarquer dans des analyses géopolitiques. Je peux vous les faire, si vous voulez. Mais on n'a pas trop le temps. Mais moi, je pense qu'au fond, il y a quelque chose de littéraire et de chez François Mitterrand qui s'est réalisé là. C'est-à-dire cet homme qui avait constaté, comme tout le monde, l'impuissance des Occidentaux, leur tétanie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée d'intervenir sur place. Il savait pas très bien avec qui parler ou comment s'y prendre. Cet homme s'est dit, au fond, il ne me reste que le panache. Et je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a le panache et le courage physique dont il ne manquait pas. Il faut savoir que c'était quand même déjà un président assez malade. Il savait très bien qu'il était malade. Je veux dire par là qu'il y avait une partie de lui qui, de toute façon, ne craignait pas la mort. C'est ça que je veux dire. Qu'il y avait une longue cohabitation avec la mort. Allez, on va faire un peu de psychanalyse de bazar. Mais on va surtout dire que cet homme, pétri de littérature, pétri d'histoire, est aussi un homme pétri de panache. Il avait envie d'un grand geste suivez-moi à mon panache blanc. Voilà. Sauf qu'il avait créé un certain malaise dans... Dans l'analyse la plus largement répandue, selon laquelle c'était bien les Serbes, les agresseurs, et que lui était, disons, avec les Serbes, on va dire, compréhensif. Bien sûr, là on peut revenir à la géopolitique. Il est clair que l'analyse de François Mitterrand est une analyse profondément historique. C'est-à-dire, c'est un homme qui est né en 1916, qui était 2 ans après la Première Guerre mondiale, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui sait ce que la Seconde Guerre mondiale doit à la Première Guerre mondiale, et qui donc réfléchit en termes de zone d'influence. Quand il a vu la Slovénie et la Croatie passer, être reconnu immédiatement par l'Allemagne, il s'est dit, hop, l'Allemagne est en train de récupérer sa zone d'influence. Et il s'est dit, bon, l'alliance traditionnelle de la France est avec la Serbie, il a implicitement, explicitement soutenu effectivement les positions serbes pendant très longtemps. Je pense qu'à Sarajevo, il a commencé à se rendre compte quand même, c'était pas si simple, en tout cas c'était pas forcément comme ça qu'il fallait aborder le problème de la Bosnie en soi. Peut-être pas l'ensemble c'est-à-dire qu'en fait, il a réfléchi en zone d'influence alors qu'en fait il y avait un problème concret, qui était que la Bosnie était objectivement un territoire pris en otage et martyrisé par... toutes sortes de troupes, certes, mais avant tout martyrisées par les Serbes bosniaques, aidés par l'armée yougoslave. Ne jamais oublier que dans cette affaire, la seule armée véritable, c'était l'armée yougoslave, donc l'armée serbe. Oui, c'est le Donc, et il a peut-être voulu brouiller un peu les cartes, cet homme. On lui disait tellement de bien de ce président Izetbegovic, ce président bosno-musulman. On lui disait aussi que la ville qui avait fait rêver, qui faisait rêver tous les historiens, Sarajevo, était encerclée, enfermée, assiégée, comme un siège médiéval. Il a voulu briser le siège médiéval. Que ce que vous voulez que je vous dise, cet homme, pétri d'histoire, a voulu briser le siège médiéval. Alors, il ne vous a pas échappé qu'en lieu et place des ministres des Affaires étrangères, Roland Dumas, qui aurait pu être là, François Mitterrand était accompagné par Bernard Kouchner. Alors, c'est là qu'on en arrive sur l'humanitaire. D'ailleurs, 4 ans après que Bernard Kouchner a décrété le principe de l'ingérence humanitaire, ça déclenche un débat. C'est un débat fort dans les années 90, où on disait, bon, l'humanitaire, c'est bien, mais ça doit venir en complément des efforts politiques pour arriver à la paix. Alors, on n'arrive pas à la paix, on se donne bonne conscience avec l'humanitaire. Vous vous souvenez de ce débat? Je me souviens très bien. Est-ce qu'on est là-dedans? Le problème de l'intervention humanitaire, de l'interventionnisme ou de l'ingérence humanitaire, c'est que d'une certaine façon, ce que réclament les ONG qui interviennent sur le terrain, et je me semble que c'est la conclusion à laquelle elles sont elles-mêmes arrivées, c'est justement de pouvoir intervenir indépendamment des États, parce que de ne pas être confondu avec les parties en présence. D'autant plus que les États se sont parfois servis de vraies fausses ONG pour justement avoir soit des espions, soit des renseignements sur le terrain. Pour être totalement indépendante, pour continuer à être crédible auprès et soigner tout le monde, par exemple, elles ont justement demandé à ne pas être l'objet d'ingérence humanitaire, c'est notamment évidemment une organisation comme la Croix-Rouge, c'est toujours absolument opposée à ce type à ce type de concept, en expliquant que son intervention, elle ne pouvait pas grosso modo intervenir dans les roues des armées, c'était pas le désarmer des uns et des autres, c'était pas le but, et c'était pas comme ça qu'elle pouvait être indépendante et qu'elle pouvait soigner les gens. Maintenant, l'idée de l'ingérence humanitaire, c'est d'intervenir pour des raisons humanitaires. Je pense que c'est un peu usé jusqu'à la corde. Je pense que tout le monde s'est rendu compte, au fur et à mesure des années, que ce qui était humanitaire, au fond, était souvent très militaire, et ce qui était très militaire était souvent baigné d'intérêts des pays qui intervenaient. Et je vais vous poser cette question-là pour en arriver à l'autre question, ou la sous-question. Est-ce que le voyage de François Mitterrand, au-delà de ce qu'il a été, selon vous, un voyage de panache, un voyage inscrit dans l'histoire, je pense qu'il faut pas aller chercher plus loin. Alors, quand même, un voyage, on va dire, humanitaire, pour appuyer l'action humanitaire, dans une démarche humanitaire. Alors, ce qui est fascinant, c'est quand on lit les articles de l'époque, je me suis replongé dans les articles de l'époque, et on voit effectivement, par exemple, je me suis tombé sur un article du Washington Post qui explique que, bah oui, ça a été utile, parce que la France a pu, dans les jours qui ont suivi, eh bien, livrer 150 tonnes de produits humanitaires, enfin, je veux dire, d'aide d'urgence, alors que les Américains, depuis des mois, négociaient vaguement la livraison de 13 tonnes. Vous voyez, donc, ça a pu être un peu utile. Mais, je rappelle quand même que, le siège de Sarajevo a duré 40 mois. Et que, c'est pas les 150 tonnes versées en une fois par la France qui ont pu faire la différence. Maintenant, moi, je fais partie de ceux, enfin, si vous me le permettez, qui pensent que, à des moments précis, effectivement, alors que des gestes de ce genre peuvent avoir un impact qui va au-delà de leur valeur, immédiate. C'est-à-dire que, on s'en souvient. On en parle encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. C'est peut-être un de ces gestes dont François Mitterrand mis au crédit François Mitterrand qui nous ont le plus marqué. Et qui ont aussi le plus marqué les Bosniens, figurez-vous, qui eux aussi se souviennent, je pourrais en avoir discuté avec plusieurs d'entre eux, ce geste qui pourtant ne correspondait ni aux alliances de la France, ni à la façon dont elle a traité et la Serbie et la Bosnie ensuite, ni même à l'implication qu'elle a pu avoir sur le terrain et hors du terrain, ni même à l'implication qu'elle a pu avoir sur la solution au conflit bosno-serbe croato, sloveno, ce que vous voulez, qui s'est terminé au fond à Dayton, c'est-à-dire par une négociation dans l'Ohio, aux États-Unis, même si c'était signé à Paris. Et bien malgré tout, la simple mémoire de ce geste vaut la peine quand même qu'on en reparle aujourd'hui. La preuve, Anthony Bélanger, on va écouter une archive ensemble. Derrière les champs de bataille, les forces belligérantes, il y a une autre guerre qui se joue, comme d'habitude, celle de la diplomatie. La Russie était l'un des principaux soutiens des Serbes. On va écouter son président de l'époque, Boris Yeltsin, qui réagit le 8 septembre 1995 après le début de la campagne de bombardement aérien qui avait débuté en août. D'un coup de patte rageur, l'ours russe égratigne l'Occident. L'élargissement de l'OTAN peut conduire à la guerre, tonne Boris Yeltsin. La preuve, regardez ce que l'OTAN fait en Serbie, continue-t-il, nous n'accepterons jamais que l'Alliance Atlantique vienne jusqu'à nos frontières. Aussi ferme soit-elle dite, cette position de Boris Yeltsin n'est pas nouvelle. Mais si Boris Yeltsin la relance aujourd'hui, c'est qu'il a besoin d'affirmer, à un an des élections présidentielles, que sous son règne, la splendeur de l'Empire russe existe toujours. Sa promesse d'aider les Serbes avec de l'humanitaire, mais aussi, je cite, « autre chose », va dans le même sens. Car si cette autre chose était des armes, on voit mal qui les paierait et quel pays accepterait qu'elle traverse son territoire pour atteindre la Serbie. En fait, le message de Yeltsin s'adresse aux participants à la conférence de Genève sur la guerre en Bosnie qui a commencé ce matin. Même si les Américains mènent les négociations, signifie-t-il, les Russes sont toujours là et sont les amis des Serbes. Les propos de Yeltsin risquent simplement de fixer un peu plus les positions, alors que les bombardements de l'OTAN se poursuivent sur le terrain, sans que les armes serbes bougent d'un millimètre. Les journalistes disent, je reprends sa formule, l'ours russe égratigne l'OTAN, hein, à l'occasion d'un conflit. Alors là, vraiment, on a l'impression que, comme ça arrive souvent, d'ailleurs, l'histoire se répète. Alors, on va revenir à aujourd'hui en essayant de faire les parallèles maîtrisés, hein, parce que c'est pas le même contexte géopolitique et historique. Mais quel est le rôle de la Russie dans cette guerre de l'ex-Yougoslavie, déjà? Alors. C'est fascinant, c'est très bien d'avoir choisi cet extrait et d'avoir parce qu'on est en 95 et Boris Yeltsin à propos de la Serbie mais aussi de l'OTAN explique que jamais la Russie n'acceptera que l'OTAN arrive jusqu'à ses frontières. Que se passe-t-il aujourd'hui? L'OTAN est justement aux frontières de la Russie. En cas à partir de 97, l'OTAN accepte 1997, hein, c'est-à-dire 2 ans après cette intervention, l'OTAN accepte la candidature des 3 États baltes et des pays qui forment aujourd'hui l'ensemble de l'OTAN et qui se trouvent pile aux frontières de la Russie. Donc, on avait été prévenus. Ça veut dire par là, c'est que beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, ou du type de rapport qu'on entretient aujourd'hui avec la Russie, ont commencé en 1995, entre 92 et 95, en Bosnie et surtout en ex-Yougoslavie. La Russie est l'allié indéfectible de la Serbie, et ce quasiment depuis le XVIIIe siècle. Hein. Oui. C'est presque romantique, cette manière de concerter de la même façon. C'est comme quand la France se voit comme protecteur des chrétiens d'Orient. C'est à la fois une réalité et une fiction. Mais il n'empêche que dans l'esprit des Russes, la Serbie est extrêmement importante. Et d'ailleurs, c'est parce que la Serbie était attaquée que la Russie a déclaré la guerre à l'Empire austro-hongrois. C'était en 1914. Donc il y a à la fois des guerres, des protections, une tradition diplomatique qui implique la Russie en Serbie. Je rappelle qu'en 1999, on est donc encore une fois 3 ou 4 ans après 1995 et puis quelques années après la guerre de Bosnie, le Parlement serbe a adopté un traité d'union avec la Russie. Une loi qui n'a jamais été appliquée, bien sûr, mais enfin, c'est vous dire à quel point les Serbes se sentent philo-russes. Et quand on demande aujourd'hui encore, là, c'était il y a quelques semaines, aux Serbes s'ils préféraient avoir une union avec la Russie, qui a, je rappelle encore, a été votée en 1999 par le Parlement serbe, s'ils préféraient être une union avec la Russie qu'une union avec l'Union européenne, la plus grande partie d'entre eux préférait l'union avec la Russie. Donc il y a quelque chose de très fort qui unit la Russie et la Serbie et qui a été blessé, humilié en 1995 par l'intervention de l'OTAN. Il faut quand même essayer de comprendre. Vous savez que je suis pas très philo-russe. Hein. Vous savez aussi peut-être que je passe mon temps à critiquer Poutine, mais je dois quand même reconnaître. Oui, on vous entend le matin. Voilà, je veux reconnaître que quand on fait la recension des guerres qu'a menées l'OTAN depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, si on fait la liste, on a Bosnie, Kosovo, Afghanistan, Libye. Syrie, enfin bon, pas Syrie parce que l'OTAN n'est pas en Syrie, mais oui. On a là au moins quatre pays ou régions dans lesquelles les Russes sont intimement ou étaient intimement impliqués. Comment voulez-vous que les Russes de l'autre côté de l'Oural, de leur point de vue, ne se sentent pas, blessés, humiliés quand d'une part ils accordent leur confiance à l'Occident et qu'elle leur semble trahie, parce que en clair, l'intervention de l'OTAN en ex-Yougoslavie, ils ont perçu ça comme une trahison, hein, on leur a, voilà. Et comment voulez-vous qu'ils ne se sentent pas à la fois agressés et à la fois trahis? Et on ne peut comprendre la façon dont réagit Vladimir Poutine, qui, je rappelle, arrive au pouvoir en 1999, c'est-à-dire encore une fois, dans ce moment-là de l'histoire européenne, après une grave crise en Russie qui a ruiné la Russie, où la Russie était obligée d'aller mendier de l'argent auprès du FMI et des Occidentaux, où elle s'est sentie humiliée, re-humiliée et encore humiliée. L'Europe en a profité pour l'OTAN, pour agrandir, pour s'approcher des frontières. Vous voyez, tout ce contexte-là a commencé par cette guerre en Bosnie, cette guerre en Serbie, ou cette guerre contre la Serbie, où la Russie s'est vraiment sentie humiliée. Et ça, aujourd'hui, la présence de la Russie et finalement sa victoire diplomatique en Syrie, c'est une revanche. Bien sûr, bien sûr. Lavrov, enfin le ministre des Affaires étrangères russe, a déclaré il n'y a pas très longtemps, à propos de la Libye, qu'ils allaient s'intéresser à la Libye parce que tout avait commencé là. Mais on pourrait aussi bien dire, il a raison. C'est vrai que là, on n'avait pas dit aux Russes que l'OTAN allait intervenir en Syrie et écraser tous les intérêts russes là-bas. Mais on pourrait presque dire, reprendre sa métaphore et le paraphraser en disant qu'au fond, tout a commencé, eh bien, en Bosnie, peut-être en 92, peut-être un peu avant, et en tout cas, en 95, avec les accords de Dayton, contre la Serbie et la Bosnie. Très intéressant. Vous savez de quoi vous allez parler demain matin ? Pas encore. Bien, allez vite au travail, on vous attend. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci à vous. Mélanger, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la visite surprise de François Mitterrand à Sarajevo, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le film La Religieuse, de Jacques Rivette.